Hector Manuel, André, Martin Amic, Louis, Thierry Pietra, l'inspecteur Lombard, et Claudine Charrère, l'assistante de Buguet. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Amandine Grevaux. Assistant à la réalisation, Vivien Desmeyer. Réalisation, Cédric Aussir. Dans quelques minutes, nous retrouvons l'historien Guillaume Cuchet pour parler du spiritisme au XIXe siècle. Un cri dans la nuit d'hiver, ma fenêtre est de travers, je la ferme de mon mieux, je vois la couleur des cieux. Ils sont noirs, il y a du vent, vent d'automne ou vent d'antan, le manteau des cheminées recommence à frissonner. Sur la route, j'aperçois un bien étrange bourgeois. Où donc l'ai-je déjà vu? Pieds fourchus et front cornu, c'est le diable ou le docteur qui me font mourir de peur, ou bien mon ange gardien. Je ne sais plus, je ne sais rien. Ça craque dans le magasin où se cache un assassin, un fantôme familial, une infirmière d'hôpital, une grand-mère blanche de Castille qui paraît devant sa fille pour lui dire de l'oublier. Quand reviendront les ouvriers, il y aura du tintalane. Quand un marteau tombe en panne, un ténor de l'opéra le répare à tour de bras. Puis il meurt d'apoplexie comme une vraie tomate farcie. La poussière qui le recouvre est la même qu'on voit au Louvre. Un train passe dans la nuit, il m'emporte avec lui. Autrefois, lorsque j'étais ce jeune enfant qui rêvait de notre ciel, de Paris, la tour Eiffel, qui rêvait de tout quitter et de ne vivre que pour chanter. Qu'est-il advenu depuis tant et tant de nuits? Depuis tant et tant de saisons, au placard de la maison, les souvenirs au rendez-vous vont revenir, mais je vous l'avoue, demain je leur ferai faux bon, car je ne suis un vagabond. Charles Trenet, le revenant sur France Inter dans Autant n'importe l'histoire, une émission réalisée par Michel Billou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Serge Villiers. Guillaume Cuchet, étonnante histoire que celle d'Édouard Buguet. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ces fameuses photos de fantômes qu'il a réalisées? Oui, alors j'en ai vu. On peut les trouver très facilement, d'ailleurs, sur Internet. Elles sont très accessibles. Et c'est d'ailleurs souvent de belles photos où on voit le client, en quelque sorte, et puis en surimpression, un esprit, l'esprit de son des défunts présumés. C'est quoi? Une image un peu floue derrière, ça? C'est des images un peu floues, des silhouettes. Il avait toute une série de mannequins qu'il affublait de casquettes ou de chapeaux en fonction des informations qu'il avait pu recueillir dans la conversation préalable. Comme on le voit bien dans cette fiction, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un grand nombre, on dit 50% à peu près des clients, reconnaissaient sans peine le défunt en question qu'ils étaient censés avoir évoqué. Alors ce Buguet, c'était un pur escroc, un âpre au gain. Il faut dire qu'il était bigame, hein, il avait deux familles je crois, donc ça fait beaucoup de charges. Ou bien était-il quand même un artiste selon vous?